Après la pluie, Faustine a beau se regarder sous toutes les coutures dans son miroir, elle ne voit pas de différence entre hier et aujourd'hui. Et pourtant, elle aimerait bien crier sur tous les toits son nouveau statut de femme. Au restaurant, personne ne remarque rien. Dès son entrée dans la cuisine, Mathias lui dit qu'aujourd'hui, elle sera seule à la plonge. Mohamed a été arrêté par la police. Les flics ont expliqué à Elspeth que le jeune homme a pris un non pour un oui, sans se préoccuper d'un éventuel consentement. La fille a porté plainte ce matin. Quel sauvage, pense Faustine. Il est beau gosse pourtant. Avec un minimum d'éducation, il aurait pu tout obtenir sans mal. Maintenant, il a perdu son boulot et en plus, il risque le renvoi en Turquie. La police suisse ne badine pas avec ce genre d'affaires. Faustine se met au travail et rejoint les autres, juste à temps pour voir opérer le technicien qui vient vider la machine à sous. Il explique aux filles que bientôt, il devra l'enlever définitivement puisque le peuple a voté l'interdiction des jeux d'argent dans les cafés et restaurants à partir de 1976. Sylvia est désolée. Elle gagnait souvent, ce qui lui faisait en un point non négligeable. Faustine réalise seulement maintenant qu'elle aurait pu en profiter, elle aussi. Dommage, ou plutôt heureusement, ça lui évitera de jouer, et de perdre ses maigres salaires. L'homme vide les réceptacles de la machine dans des contenants correspondant aux pièces, 1, 2 et 5 francs. C'est fascinant ce fleuve d'argent qui n'en finit pas de couler. Pour finir, les containers sont pleins. Il n'y a plus de place pour les thunes qui restent. L'homme regarde les jeunes filles et leur demande « Vous en voulez ?»« Tu paries ?» répond Sylvia. « Tendez vos tabliers, » sourit-il. Et hop, il jette l'argent par poignée comme si c'était du sable. Faustine rit aux éclats en voyant son tablier se remplir. « Encore, encore, c'est de la provoque, ma parole. Arrête, on ne va plus pouvoir marcher. » Traiter l'argent avec une telle désinvolture, c'est ça qui fait tourner le monde? Ça dont la vie, pour ne pas dire le bonheur de tant de gens, dépend? Finalement, la caisse est vide. Sylvia range ses sous. Elle attendra que les clients aient rempli la machine avant de rejouer. Pas folle la guêpe. Faustine, elle, ira mettre les siens à la banque. Avec les 300 francs qu'elle a gagnés au Sport Toto l'autre jour, ça gonflera l'épargne destinée à son permis de conduire. Quand elle revoit René, elle propose. Il pourrait peut-être aller dans un bon resto en Allemagne, non? Juste de l'autre côté de la frontière. Ça l'échangerait un peu de la tambouille du Schwan, sauf le respect dû à Mathias. Aussitôt dit, aussitôt fait, et nos deux larrons soupirent de contentement devant un plat assez plein pour nourrir 4 personnes. Les Allemands ne sont pas réputés pour leur délicatesse en cuisine. Faustine raconte à René les dernières péripéties en date. Elle en profite pour lui dire qu'elle ne se plie plus du tout au Schwan et que depuis le départ de Mohamed, elle est surchargée. Elle tenterait volontiers sa chance ailleurs, d'autant qu'elle a entendu dire que le métier de serveuse payait bien mieux. René pense qu'il pourrait la présenter à son ami Otto, le patron du restaurant Hard. Tu sais, c'est le routier juste avant la forêt. Il y aurait sûrement une place de sommelière pour toi. Seulement, il faudrait que tu déménages parce que la patronne du Schwan ne va pas continuer à te laisser loger chez elle si tu travailles pour la concurrence, n'est-ce pas? Et pourquoi ne viendrais-tu pas vivre chez moi? D'accord, acquiesce la jeune femme. Si Monsieur Berger m'engage, j'emménage chez toi. Otto Berger est un bon géant paternel. Après avoir posé quelques questions à Faustine sur son parcours, appris combien elle gagne au Schwan pour le travail qu'elle exécute, levé les yeux au ciel et éructé un « Unmöglich », il accepte de la prendre à l'essai. « Viens à 8h lundi, je demanderai à Monica de te former. Une semaine sur deux, tu seras d'ouverture de 8 à 16. L'autre, tu travailleras de 16 à 24, plus la fermeture. Tu seras nourri. Ici, on travaille au pourcentage. Tiens, prends donc un exemplaire de la carte des plats et des boissons. Tu apprendras tous les prix par cœur pour lundi. » Topé là, dit Faustine, qui a du mal à croire à sa chance et se retient de lui sauter au cou. Elle repart immédiatement donner sa démission à Elspeth. La jeune fille est très reconnaissante à la tenancière de l'avoir sortie du piège à Wolf. Wolf voulant dire aussi Lou, ses employeurs précédents. Elle le lui dit, mais elle ne saurait refuser une offre aussi intéressante, n'est-ce pas? Elspeth comprend très bien. Elle a engagé Faustine pour plaire à sa vieille amie Françoise, mais elle savait qu'elle lui fausserait compagnie à la première occasion. D'ailleurs, elle ne s'est pas donné la peine de la déclarer. Dans la restauration, le travail au noir est courant. Le personnel tourne constamment. Il est facile de trouver un remplaçant du jour au lendemain. Faustine montre amasser ses quelques affaires, astique sa chambre, redescend saluer la compagnie, puis traverse la ruelle pour grimper chez le René. Absent pour la journée, il lui a confié sa clé. La jeune femme découvre la tanière de son amoureux avec effarement. Jamais elle n'aurait pensé qu'un homme qui vit seul depuis tant d'années serait aussi désordonné. Il est vrai qu'elle-même n'a pas encore beaucoup vécu. Elle inspecte son nouveau domaine. La chambre à coucher avec son lit double, la grande armoire, une table et deux chaises. La pièce adjacente sert de cuisine, appentis, atelier. Une planche sur des tréteaux. Deux plaques de cuisson, une bassine, un peu de vaisselle, salle. Sous la fenêtre, une autre planche surchargée d'outils. Le tout donne sur une immense terrasse sur laquelle se trouve la niche de Rex. Dans ce logement, pas de salle de bain ni de WC, pas même un lavabo, encore moins un seau et une serpillière. Une douche sommaire et des toilettes crasseuses sont à disposition sur le palier. C'est là qu'on peut prendre de l'eau. Ces commodités sont à partager avec les employés de la boucherie du rez-de-chaussée et les locataires du second. Faustine pose sa valise, se met au travail dans les effluves appétissantes de pâté tout frais. Elle nettoie, réorganise et range des heures durant jusqu'à ce que l'antre soit à peu près viable. Elle s'est fait de la place dans l'armoire, a posé son bagage vide par-dessus et refait le lit. Elle ira laver les draps à la laverie automatique demain. Pour qu'elle puisse acquérir les éléments indispensables à son futur emploi, René l'accompagne au centre-ville dans sa vieille voiture. Un magasin spécialisé lui propose tous les vêtements et accessoires pour l'hôtellerie et la restauration. Faustine trouve sans peine le porte-bourse en cuir qui contiendra l'indispensable porte-monnaie à compartiment multiple. On l'attache sous le joli tablier en dentelle blanche. Elle choisit encore deux jupes noires, quatre corsages blancs et des chaussures confortables. La voilà équipée. Tout cela a coûté cher, d'autant que René lui a rappelé en dernière minute qu'elle devait se constituer elle-même un fonds de roulement pour pouvoir rendre la monnaie à ses clients. Ça coûte cher de travailler. Heureusement, elle n'a pas encore eu le temps de dépenser son dernier salaire.